D'abord, un État ne peut être reconnu que par un sommet de chefs d'État. Deuxièmement, pour reconnaître un État, il faut avoir les critères de l'État. Or, la race n'a pas les critères de l'État. Troisièmement, reconnaître un pays pour le devenir duquel on a mis en place un comité de mise en œuvre engagé des chefs d'État, c'est vraiment de la contradiction. Et troisièmement, il fallait les deux tiers du quorum pour qu'on puisse en parler et non pas l'admettre. Les deux tiers n'ont pas été atteints. 19 pays ont quitté et d'autres sont en train de rejoindre ceux qui ont quitté. Deux jours plus tard, réaction aux propos d'Hassan II du ministre de l'Information de la République sahraoui, Mustapha Ould Salek.